Je roule depuis 2 heures sous la neige. Je m'arrête dès que possible. Pour me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour nettoyer mes feux. Oui, réponse C. Non, réponse D.